Pas le temps d'être endormi, faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tiens à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas le temps d'être endormi dans cette vie, faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tiens à cœur. Tu vois rien de bien et désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. J'ai pas de leçon à faire ou de morale à recevoir. Juste des mots qui sortent du cœur et mes yeux pour voir des passants stressés. Petit geek en booster, vieillard qui mendie. Les flics en poursuite, les pompiers garés, un incendie. Non, juste un mec pété allongé sur le trottoir. Un toxico notoir vit la fin de son histoire sous le regard de quelques badauds. Il est la vautre dans sa piste. Le visage bleu, la main crispée sur une canette de 10-10. Les pompiers le lèvent, il a la bave aux lèvres, ne respire presque pas. Tant pis pour lui, c'est triste mais c'est comme ça. Le soir dans la rue tu crois des tarés qui parlent tout seul. Des petits dignes prêts à fermer n'importe quelle grande gueule. Tu n'es seul, tu vis seul, du berceau au tombeau. Faut être prêt à affronter seul contre tous comme Rambo. Il n'y a qu'au pied du mur qu'on voit les vrais durs. Depuis l'enfance on endure le mauvais sort sans devenir des ordures. Pur et simplement, investis dans le mouvement et l'armement. Méfie-toi de ceux qui agissent toujours calmement. Pas le temps d'être endormi, faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tiens à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas le temps d'être endormi dans cette vie, faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tiens à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Hanté par le doute chaque nuit, tout juste si on dort. Le papier vert manque, la plupart s'ennuient. Ça alors, les mines ont pas en bas main. Passe le vice. Homme de demain, réfléchis vite à combien finissent dans le vide. Les mains dans la mer, souvent tenté par le diable. Inquiet pour l'avenir, qui paye. Escroc du siècle, braqueur du banquier. Fais magie, éduque. Les gens sont pisse dessus, besoin de sous et vite. Chaque semaine déçue et la poisse nous rend visite. Et merde de la vie, casse pas les bonbons. Une CV, et surtout touche bon. En allant au charbon, sans repère, une paire de pions suffit. Cherche pas à comprendre. Sur mon père, y'a des sous à prendre. Mes mères, filles, désespère pas. Surtout, perds pas ta fierté. Faut que tu luttes, t'inquiète, dans le sud aussi. Tout niqué, c'est le but. Triste vie, frère. Faut faire la guerre. Si tu préfères vivre riche et fier, pourquoi se laisser faire? Eh ouais, pourquoi se laisser faire? On vient qu'une fois. On vient qu'une seule fois sur terre. On vient qu'une fois. Hanté par le tout et tenté par le diable. Faut montrer de quoi t'es capable. En bas de l'échelle, on garde la tête haute. La batterie pour matraque, menottes artificielles qu'annoncier au mic, j'escorte. Le troisième œil, veut n'importe. Travaux d'une partie de ma génération sans répit ni repos. Parti de rien, mon groupe grimpe sur les affiches. Mais pas de quoi se dire, ça y est, c'est fait, putain, j'suis riche. Pouvoir crier victoire, voir la vie avec un grand V. Vénus, déplacement, golf, réglo, fini le bus. Trouver une fille bien, pas une putain qui manie le pénis avec plus de vis qu'Anna Nicole Smith. Sale situation, faut que j'm'assume. DJ lâche les trucs que je fasse, cracher le bic, la plume. Pas le temps d'être endormi, faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tiens à cœur, pas de mystère. Voir rien de bien et désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas le temps d'être endormi dans cette vie, faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tiens à cœur. Tu vois rien de bien et désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Une seule fois sur terre. On vient qu'une seule fois sur terre. Seul voyage.